sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission Tri-Rentri à Perugen, voilà. 383. Oui. Et le mot du jour, c'est ? Alors aujourd'hui, c'est un adjectif, mais qu'on emploie souvent en adverbe en breton. C'est hardi. Hardi. On entend souvent ça. Hein? Ah bah oui. Alors ça s'écrit avec un Z à la fin, mais qu'on n'entend pas, mais qui sert à former, par exemple, hardizat, hein, devenir plus courageux, osé, hein, ou bien hardiiges aussi, hardiziges. Donc la témérité, mais sur le mot proprement dit, on l'entend pas ce Z là. On dit hardi, un peu comme en français d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un mot emprunté au français, mais qui a changé un peu de sens en passant en breton. Alors c'est un participe passé d'un verbe qui a disparu aujourd'hui en français, qui était le verbe hardir, qui voulait dire devenir courageux. Et qui existe, il n'existe plus, mais il y a le verbe s'enhardir, hein, qui est une forme réfléchie et qui existe toujours. Bien qu'on n'emploie pas vraiment très souvent s'enhardir, mais enfin, c'est un verbe qui existe. Voilà. Et alors, donc ce verbe hardir est un participe passé, hein, qui est hardi. Et c'est ce participe passé qui est devenu en fait un adjectif, hein, le verbe ayant disparu. Et qui est passé en breton. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que la racine de ce verbe était une racine francique, hein, donc la langue des Francs, c'est-à-dire germanique, et qu'on retrouve en anglais hard et même en français maintenant, parce que tout ce qui est pas hard est soft et vice versa. Donc c'est un retour en fait à l'envoyeur. Hein. On a réemprunté la racine proprement dite, hard. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un mot qu'on trouve beaucoup en gallo aussi. En gallo, alors il a un sens un peu différent. En gallo, il veut dire beaucoup de. Par exemple, on va dire, il n'y avait pas hardi de monde. Ah d'accord, j'avais jamais entendu ça. Si, si, en gallo, c'est très employé. Hein. Et le contraire, point hardi. Hein, point hardi. Il y avait point hardi de monde. Hein. Voilà, il y avait pas beaucoup de monde ce jour-là. Voilà. Et donc, d'ailleurs, dans les dialectes de l'Ouest, alors le quand il est employé comme adverbe, il correspond à l'adverbe hardiment, qui est pas très utilisé non plus. En Normandie, on l'utilise pas mal. Je me souviens, il y avait une chanson en basse Normandie où il s'agissait d'une dame qui avait noué des relations avec un moine. Beaucoup de sujets comme ça. Hein. Et alors elle disait entre gros moine hardiment, mon mari n'est pas séant. Voilà, avec un pas mal de jeux de mots évidemment autour de ça, quoi, sur le entrer hardiment, quoi. Et voilà. Donc en fait en breton le mot l'adjectif, hein, quand on utilise l'adjectif, c'est par exemple on dit pepkis ou hardinidi. Hein, chaque chien est courageux chez lui. Ça se vérifie souvent. Hein. Un chien même très peureux chez lui est très courageux. Ou alors on va dire hors peau de hardi, hors plat de hardi. Hein, bon. Donc là, adjectif courageux, téméraire et même parfois un peu culotté. Hein. D'ailleurs, les chiens ont toujours en breton le chien est un symbole de témérité et même de culot, de sans gêne un petit peu, quoi. On dit par exemple un dutze zo hardi vel chasch, hein, ceux-là sont hardis comme des chiens, oui, voilà. Donc on va avoir ça. Alors donc en breton on entendait très souvent ça, hein, peut-être un peu moins maintenant, mais par exemple ma grand-mère disait souvent la hardi wameler. Hein, répétez si vous le voulez derrière moi, c'est-à-dire j'en suis certaine, quoi, de source sûre, quoi. Ouais, ouais. Ou alors on va dire à quelqu'un tiers hardy panty, hein, rentre donc ou deux de panty hardy, hein, rentre, c'est pour encourager. Hein. Deb hardy, hein, mange bien, quoi, hein, ne te gêne pas. Hein. Mm-hmm.

Troisième partie d'émission, Petra zo neve ar vro eri. Petra zo beneve ar vro kalz a draou evel just bouervez je diouz an. Krogom de diantan evel kustum gant a lor bourdouar hag ur vue war ar mez. Erruon bremañ ba kreiz a neve amzo, l'ar fekenen me guire, a mamez mani ke bet gwaldom en amzo betak bremañ. Me erru e bremañ ur houlz de gad amzo klouar. Pez vefe mad vid un trevad ou da skouer vid ar maïs hag betravez, puis dur prestig vo houlz de hard an eil. War da chen ala bourdouar, evel juz zo kudé nou eleiz an mar emant, ne ke ze vanka, hein. Puis dur zo kudé nou vid eus averien zout, vid eus averien yir, vid en uo ou da skouer war lan e vij e kudé nou barmon war redier an uo, a bremañ zo kudé nou barmon en re izel ur prijou. C'est une galère de bonne isolore et prise vie de harg ou bénéfine avec bonne zézo orgue de névite réseau sévelir plus dur on a comme zame de ce labour douar névessos au bit de juste mode au prise au bureau de stall le roux plus dur n'engue de trop névétré stade le roux aura chicoré goudret hag pewanio hag vije eve kalz chicoré dis c'hoaz vegret hein, bon peut dire mi blichtin ka un tom blaz chicoré peut dire zeder jonj de un amz en gwegel hag mord evit de hier hein, peut dire et quelor la kad un tom chicoré a neptor gafé vek et tiner vis un dut. Hag peso fentus peve komz de ze chicoré ar stalz, zo ba ar chi ba nantornons boral, a oa bekrouet, enfin oa ke bekrouet gant ar pot de ze breiz, met rad pren oa un tam stal bien oa, zo oa be rad prenet, gant un den Alphonse Leroux oa de ze douarnenez. Ni oa prenet stalz vid Iva, ba oa Ive Alphonse Leroux, hein. Hag setu oa nont stal ya denan ba lanternons brohal vidor chicoré. Chicoré veget gant gruizien de zor blanten a zo tostre de zen andiv. Hag ve mal da rostet ba do vorn. Hag peso fentus war a pakat chicoré ze zo ar plar gant dien de ze vro am. Pu dur ni oa laket bon un arouez de ze chicoré oa ur vamm benefin, hein, mamm Alphonse Leroux, hag c'hoaz, hein, ve gwell war a pakat chicoré ur plar gant diad de zgoayen en benefin, hein, o diarn en galag. A setu. Bon, an tamm istor chicoré, hag a stalz o a bet an tamm ba spir de patron yo Kristen hein puis j'en ai au abbey crew de Bastals au abbey crew de sorte sécurité sociale de Hulse ve longtemps vel ba nombrière Godin puis réaliste ouais c'est tu au paysiste war chicoré quoi ne ce que ton bête vide chicoré un ton de half ezo mais de ne ce que ton bête chicoré moyen ve fait bête d'or un ton vide chicoré bon plus dur bénéfice chico half et vegré dans me braise à lise ve hunter chicoré puis un tri hard ve le mam gos mais me ce que bicle et quand no un bidoir chicoré bon peon comme un tom de ze embrigueré joueur justement ba douar nene a rezo zo begred un tom gwell ce gwell belzo vid de zardinet pu dur quand a trugen lasso ou a krog au nom de ce pronom ou a de douar nene vid or stal zardinet de la case zardinet ba ouest ou houarn hag hez oa chancerel oa an denz nang zo chomben hein. Hag hez ne oa krog a torze, hag oa lare tout an traouz pe gontan de ze chicoré pe de ze zardin, ze oa ba koulz Napoléon III. Hag ba houlz Napoléon III zo pe de gerdo bern trao, ba brohal vid an ekonomi ez. Bon da skouer tout an nintou arn oa non ledan de houlz, a setu oa begret kalz a trao vid an ekonomi ez. De diantantout de... Stalio Sardine, bon, galerie de Badouarnené, ouais, Zobé de Tierben Sardine de Bénéfine, hein, capitale de la Sardine, hag, peut dire, mames de Zendud, Vela, Penzardine. Hag, l'arraren, ouais, que quand on a une vie de Chicorée, vie de Sardine, ouais, quand on a une, peut dire, mère de Vigé, la bourrade de Banusino, Vigégué de Friturio, Vigégué de Zenusino, Friturio. Hag mer en eus bet gant en an labourat. A zo bet en rol d'un blad en warze, ma san peus bekled, ou blad en chiktre, a zo le champ des sardinières, zo gado neube blaio zo, a, do pedri blasso, a zo, zo bratre. Bon, setu mem gen on tamp tro war frituren, hag war zardinen. Bon, il y a plusieurs comme je me un temps de ce blanc de nazi ou un casor bon dans mon temps vraiment voir d'achen politique et RS ne ce que quoi le belzo essaye de se viser le voir au référendum babro Alsace et vite good à gain VGB de là que semble un d'au département hein rein U la guerre un Isel hein à Rendevro à de Jean j'ai VGB dans Dravotte. Mais de Jiwaz n'est bevote quand en Alsacien net, à cette une voque grette, gouscoude, ZVFB de mode, à ZVFB au square, en vie de Rondvroyoel, vel braise en mot, mais de Bénéfine et de Mode, oiseau vége, quand Jacobine, hein, à que chôme trouve elmogne, à Jouar, Jiwaz braise, vous qu'on m'aime ce mot, à chôme trouve, dis, comme ce vécal, c'est juste de se digriser dans leur marément, mais Bénéfine, est un trop, une péjo, hein, plusieurs, me sont une vie de cal, je trouve, au red, au gotas, d'auville seite, que péo à l'air, mi warmi. Ag, bon, Bénéfine, ne vaut que cal, je trouve, hein, vie d'un digrise, non, un acte tri, velvelard, ag Bénéfine, de zormene, et teimez au logoden. Velvelard, une gal, ag velour, quoi. Bon, dans mon temps, nous avons war d'achen, zévenadur. Il y a prestig, bah, mir di eskol, bah, botoa, vos moyens de vel, on disquezadek, war, en mode, vigé gred, vidiski de mer lio, en gruyat, baskol. Hag, bon, caradine, vos bras de vel, hein, à pivodigor, d'halo monde, un dune monde de vel, un disquezadek, ze, bah, mir di botoa. Botoaz ou bas en Nicolas. Gwechel ou en Nicolas, bas Botoa, vraiment, mon Botoa, bas en Nicolas. Je range sur un trou. Bon, tout d'un dû de ce vrai, ne se bête en ave de, pis, y'a, en ave de mort, pis, bot son mot, de, roar is et guadec, hein, peut dire un terroir, guadec, hein, ma Yvonne, Anastasie, ag la Eugénie, ag, vraiment, vos grèdes, bas carrez, hein, un delven au pis monument hein quand warez de guadec azizo bon zevo gred quand arem hein galak velard bronze hein ag von brasser vie de warez de guadec puis dire me semble un delven oreille wardro dou met hein warez de guadec one kitchen brass mais ag au monument ya ag bon, Rondvron, Reyer, Parouz, Carrez, à Gretzo, au Goulen, Grand Dude, vide la Cadère, quoi. Bon, sais-tu, vos Gweld, war is it Guadeg, war place mar à Dunon, ba Carrez, quoi. Bon, Hendel, bon, zo calze drogue de l'arme, et Benevigel, vous l'arrête. Ah, sais-tu, là, on tient à vos dards, Chilo Vera en RKB. Kenavoueri.